Indépendant, produit en collaboration avec CKUT 90,3 FM. Ici Florence Bélopage à l'animation en compagnie de ma collègue Audrey Gosselin-Pellerin. À travers cette émission féministe, on vous propose de porter un regard réflexif et intersectionnel sur différents enjeux, de mettre de l'avant des pistes d'action féministes et d'offrir un espace de parole à d'autres féministes afin qu'elles puissent partager leur savoir et leurs expériences. Indépendant est également une émission sur les ondes du CKUT 90,3 FM. Nous sommes diffusés le mercredi à 18h tous les trois mois dans le cadre de Hersey. Surveillez notre page Facebook pour connaître nos dates de diffusion. On rappelle qu'Indépendant est produite à Montréal en territoire Mohawk non cédé. Et aujourd'hui, dans cet épisode, un sujet qui touche la santé sexuelle. Ma collègue Audrey Gosselin-Pellerin a rencontré Nesrine Bessahi et Lorraine Fontaine de l'Accord féministe. C'est en fait la collective pour un ouvrage de référence participatif sur la santé féministe. La collective travaille présentement sur l'adaptation en français de l'ouvrage Our Bodies, Ourselves, un livre culte sur la santé des femmes. Alors, on a voulu en savoir plus sur leur démarche. À toi, Audrey. Bonjour, je m'appelle Nesrine. Je fais partie de la collective pour un ouvrage de référence participatif sur la santé féministe, l'accord féministe. Et avec Lorraine, on est pas mal à la source du démarrage de ce projet de traduction-adaptation de livres. Moi, je suis Lorraine Fontaine et puis, comme dit Nesrine, ça fait depuis quelques années qu'on rêve à ce projet et puis qu'il prend forme petit à petit avec de nouvelles personnes qui s'ajoutent en cours de route. J'aimerais ça que vous parliez un peu du concept de santé féministe. Qu'est-ce que ça veut dire de penser la santé à travers la lunette féministe? Comprendre que notre vision comme société, c'est que la santé est quelque chose, est l'affaire des savants, savants médecins, souvent savants, etc. Et ce processus de santé féministe, c'est reprendre le pouvoir sur sa propre santé, aller chercher l'information pour être l'agente principale des décisions en lien avec notre santé. C'est-à-dire, cette analyse féministe tient compte des construits sociaux de patriarcat, de genre, etc., qui ont un impact sur notre vision de nous-mêmes et qui peuvent influencer nos décisions. Donc, c'est d'essayer d'ouvrir cette boîte-là puis de la comprendre les influences. Mais je pense aussi qu'il y a une dimension de ce qui est de la santé globale, dans le sens que la santé féministe inclut une part, en partie la santé globale aussi, c'est-à-dire d'avoir une vision non compartimentée de ce qu'est la santé. Au lieu de voir que t'as mal à l'orteil droit, donc on va se concentrer sur ton orteil droit, c'est de voir tout ce que l'orteil droit a à voir avec les autres parties du corps. Et aussi, si t'as mal, il y a peut-être des raisons qui sont physiologiques, mais elles ne sont pas exclusives. Il y a peut-être aussi des raisons en même temps qui sont sociales, qui sont politiques, qui sont psychologiques, qui sont environnementales. Donc, c'est d'avoir cette approche où on va voir l'ensemble des facteurs qui peuvent déterminer ton état de santé ou de bien-être et une approche qui va regarder ça de façon aussi holistique, qui va regarder ça en lien les uns avec les autres dans les différentes parties de ton toi-même. Là. Mais c'est que aussi la médecine a été construite avec comme référent le corps de l'homme, comme voici le corps de l'homme et la femme. On a testé des médicaments, on a fait plein de choses au cours des années sur des corps d'hommes. Sans voir la, tu sais, il y a des recherches récentes qui sortent là-dessus et qui, c'est pas notre travail ici, dans cette œuvre de faire cette recherche-là, mais c'est plutôt notre travail de faire des références vers d'autres groupes qui ont des regards critiques, qui ont des informations importantes. Donc, on n'essaie pas de remplacer le travail fait par d'autres, mais de rassembler ces choses-là. Donc, vous avez créé l'Accord féministe, qui est la collective pour un ouvrage de référence participatif sur la santé féministe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi cette collective? Le projet, en fait, cet organisme-là, maintenant, c'est une OBNL depuis 2 ans. Et c'est une OBNL qui a pour seule mission de traduire, adapter et diffuser du matériel qui provient du livre « Our Bodies, Ourselves ». Mais qu'est-ce que c'est cet ouvrage « Our Bodies, Ourselves », Lorraine? Ça a été publié aux États-Unis et il y a 9 éditions qui ont été sorties depuis. Est-ce que tu peux nous parler un peu l'historique? Puis qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là? C'est un livre qui contient de l'information biomédicale, mais aussi des témoignages. Donc, toutes les sections sont construites autour de la vie d'une personne. Donc, on a toutes sortes d'éléments différents venant de la ménopause, de même la grossesse, aussi l'accès à la contraception, la vie sexuelle, les relations, toutes les facettes de ce que c'est être vivant, être humain, dans le fond. Mais c'est une œuvre qui avait comme objectif de, dans le fond, démocratiser l'information, de redonner le pouvoir à la personne elle-même pour qu'elle puisse décider ce qui est mieux pour elle. Et pourquoi, Nesrine, vous avez décidé d'adapter ce livre-là? Pourquoi pas créer le livre québécois sur la santé féministe? Pourquoi vous sentiez qu'il fallait vraiment s'inspirer de cet ouvrage-ci? Mais c'est vraiment un ouvrage qui, à l'époque où il a paru, il a révolutionné le milieu féministe. En fait, même, il y a des gens qui lui attribuent le fait d'avoir déclenché le mouvement pour la santé des femmes aux États-Unis. Et avec les années, mais c'est parce que là, on a, il a été vendu à 4 millions d'exemplaires, il a été révisé, remis à jour 9 fois. Nous, on travaille à partir de l'édition de 2011, qui est la dernière édition qui a été publiée. Et avec les 40 ans que le livre a eu, ben, il a aussi accumulé du savoir, il a accumulé une façon de travailler, et on s'est dit, ça va être plus facile de partir d'une version qui existe déjà, et ensuite de l'adapter. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a traduit, et maintenant, on est dans le processus d'adaptation, ce qui implique d'aller chercher des témoignages qui proviennent du Québec, et aussi que les données statistiques, que les médicaments disponibles, que l'information plus sociopolitique aussi, soient adaptées et proviennent du Québec. Elles ont travaillé, la version américaine, elles ont travaillé à partir d'un lectorat qu'elles avaient depuis 40 ans. Donc, elles ont déjà une assise, elles ont déjà une réputation. Mm-hmm. Déjà, le fait d'avoir un document qui était significatif et qui a eu un retentissement autant aux États-Unis qu'au niveau mondial, là, ça a été traduit en 34 langues. Le fait de partir de ça me donnait en tout cas l'impression de partir avec déjà quelque chose qui était bon à la base. Et le livre, c'est pas juste un livre, c'est aussi un processus. Et donc, de co-création. Et donc, c'est ça aussi qui nous a comme stimulé de créer un groupe, et puis un groupe ouvert à de nouvelles personnes en cours de route aussi, pas un groupe fermé, et qui chemine avec l'information et qui valide, co-valide, repense. Ça, c'est une partie aussi le défi, parce qu'on des fois, on peut s'asseoir puis discuter juste d'une phrase puis voir... Elle me chicote, pourquoi on ne veut pas? Puis on cherche ensemble. Donc, c'est vraiment un processus collectif qui est plus long. Vous avez choisi de vous intéresser à un des volets qui est traité dans Our Bodies, Ourselves, et vous avez pris les relations intimes et la sexualité. Pourquoi ce chapitre-ci vous semblait le plus important? Pourquoi c'était important de commencer avec celui-ci? Nesrine? Mais ça vient, le fait d'avoir pris ça vient d'une rencontre qu'on a faite il y a 4 ans avec, il y avait une quinzaine de représentantes de groupes de femmes, il y avait peut-être une dizaine de représentantes d'elles-mêmes aussi, d'individus, je veux dire, et on a discuté, donc, si on avait un Our Bodies, Ourselves au Québec, qu'est-ce qu'il y aurait là-dedans? Qu'est-ce qu'il faudrait absolument mettre dedans? Donc, tout le monde a pitché ses idées, on a discuté et tout, et puis finalement, il y a un des groupes, la Fédération du Québec pour le planning des naissances, qui s'est plus engagé dans le processus, c'est-à-dire que nous, ben, on n'était pas une OBNL à cette époque-là, on avait besoin d'avoir un organisme qui dise « OK, nous, on va aller demander les droits auprès de l'organisme américain, auprès de l'éditeur américain. » Et la priorité qui a été définie à ce moment-là, sur quoi on va demander les droits, parce que l'organisme américain disait « On vous donne juste 100 pages, choisissez-les bien. » lesquelles vous voulez. Et on a décidé de prendre celle-là parce qu'il y avait tout un des quatre chapitres porte sur sexualité et handicap, handicap et maladie chronique. Vraiment, on n'a rien quasiment là-dessus en français. C'est beaucoup... en anglais, il y a beaucoup plus de choses qui se font. Donc, c'est ça qui a déterminé de commencer par ces chapitres-là. Et moi, dans un grand fantasme mégalo, je me dis qu'après ça, on va faire les chapitres sur la périnatalité, les chapitres sur la contraception, l'avortement, mais on verra. Dans son élaboration, pour vous, c'est important d'inclure des témoignages, mais aussi d'autres, il y a d'autres groupes qui sont communautaires ou des groupes de femmes qui sont impliqués. Est-ce que vous pouvez parler un peu des gens avec qui vous collaborez et du processus de témoignage, Nesrine? Oui, en fait, pour les témoignages, on a deux façons d'aller en chercher. Bon, sur notre site, www.l'accordféministe.org, il y a un formulaire, puis on invite toutes les personnes qui seraient intéressées à aller témoigner sur leur relation intime, leur sexualité. On a des questions, c'est pas des questions à choix multiples, c'est des questions à développement. Sinon, l'autre façon qu'on a aussi, c'est de passer à travers des groupes de défense de droits, des groupes qui sont déjà constitués. Et là, avec ces groupes-là, ce qu'on fait, c'est que nous, on a pris les questions sur les relations intimes et sexualité qui étaient dans le livre américain. On les a traduits, on les a un peu arrangés comme nous, on trouvait qu'elles avaient plus de sens. Puis, quand on rencontre un groupe, on va leur dire, bon, ben voilà les questions que nous, on a posées. Qu'est-ce que vous pensez qui interpelle vos membres? Qu'est-ce qui va vraiment être significatif pour elles? Et si vous voulez, vous pouvez transformer les questions. Donc là, c'est un processus de co-construction, même des questions de ce qu'on va aller chercher comme information. Par exemple, pour la question, quand on a rencontré un groupe de femmes en situation de handicap, on a regardé avec elle les questions, puis la coordonnatrice du groupe a dit, ben nous, c'est super important pour nous, la parentalité. Les femmes en situation de handicap, on leur renie la possibilité d'avoir des enfants, on considère qu'elles ne seront pas capables, donc on a des revendications par rapport à ça, puis on aimerait ça qu'il y ait plus de questions qui portent là-dessus. Fait que là, c'est un processus de co-construction dans la mesure où on veut avoir des témoignages, mais on veut aussi qu'il y ait une forme de parole collective. Donc, pas parce que tu prends une personne qui est en situation de handicap que ce qu'elle va te dire représente ce que pensent les personnes en situation de handicap. Mais en allant voir un organisme qui est déjà établi, qui a déjà un processus et qui a déjà développé une parole collective et politique, bien, on se retrouve à donner plus de profondeur à ce qui va sortir. Tu mentionnais, Nesrine, que vous avez certains défis à aller chercher des gens de divers horizons. Qu'est-ce qu'il y en a des femmes racisées, des femmes immigrantes, des femmes âgées, des femmes trans? C'est ça. On a fait aussi deux entrevues, en fait, avec des organismes, des centres de femmes où il y avait plus de femmes immigrantes et racisées. Mais c'est clair qu'on en a besoin de plus. Puis, Le défi aussi de faire ça, c'est de ne pas objectiver les personnes. Comme là, je viens de vous dire, il nous manque des personnes racisées. Oui, mais on ne peut pas juste présumer que parce que c'est une personne racisée, ce qu'elle va dire va être significatif de ce que vivent les personnes racisées en général. Et de toute façon, elles vivent sûrement des choses très différentes les unes des autres. Il y a aussi, pour aller chercher des témoignages, il y a, la FQPN a trouvé un financement pour que Nesrine et d'autres aillent à la rencontre dans des régions plus éloignées de femmes autochtones, d'entendre comment elles comprennent, elles voient leur intimité, la sexualité, etc. Et puis, ça va être, on a très hâte à ces échanges-là. Puis, et là, vous êtes en train de tirer des témoignages. Est-ce que vous pouvez me dire un peu déjà qu'est-ce que vous ressentez des histoires qu'on vous a partagées à travers le site de l'Accord? Oui, ben à travers le site, je dirais plus à travers les entrevues de groupe. Nous, on avait décidé que dans les questions, on ne mettait pas de questions sur l'agression sexuelle. On s'est dit que bon, il y avait eu toute une vague de dénonciation des agressions. Il y a des organismes qui sont dédiés à ça. Si on veut absolument avoir des témoignages, on peut aller chercher auprès de ces organismes-là et on ne va pas aller interroger des gens, mettre le doigt en plein dans des blessures pour le bénéfice de faire un livre avec ça. Donc, on s'est dit, on ne met pas de questions là-dessus et on verra comment on va chercher de l'information d'une autre façon. Et c'est frappant à quel point, dans les entrevues de groupe, ça ressort. Ça ressort partout. Des histoires de violence, de souffrance, d'agression. Donc, ça me frappe à quel point à quel point on ne peut pas envisager de parler de sexualité sans parler de violence. Et là, on a beaucoup parlé de santé féministe et peut-être plus de santé des femmes. Mais je me demandais si, dans votre approche, dans l'élaboration de votre ouvrage, vous cherchez aussi à inclure les réalités et les perspectives des personnes qui ne sont pas identifiées comme femmes, soit parce qu'elles sont dans un processus de transition, parce que ce sont des personnes non-binaires ou même des hommes trans qui ont peut-être toujours... certaines parties du corps plus associées à la féminité. C'est-à-dire, c'est les personnes elles-mêmes qui identifient si le livre est pertinent pour elles. Et puis, comme au début, le projet s'appelait « L'accord des femmes », on a changé le nom en cours de route pour l'accord féministe, pour inclure cette analyse féministe, mais pour ne pas exclure les personnes qui ne se considèrent pas femmes. Mais il y a quand même une information qui est liée à notre sexualité, à nos organes génitaux, à toutes ces parties-là que nous considérons encore en société comme femmes, si on veut, là. Et donc, les compagnies pharmaceutiques, le dépôt provera, toutes sortes de choses qui sont sur le marché auxquelles on souhaite dans cette œuvre avoir un regard critique, partager une information complète pour aider les personnes à décider. Le cancer du sein, le si, le ça, toutes ces choses-là font partie d'une vie même d'une personne trans. Et donc, on espère qu'elles auront envie de cheminer avec nous et puis on verra. Peut-être que le livre s'appellera d'autres choses quand il sera fini. Je ne sais pas, on verra. Qu'est-ce que vous aimeriez que votre ouvrage ait comme impact? Une fois qu'il sera créé, où vous voulez qu'on le retrouve? Est-ce que vous espérez que ce soit un livre obligatoire dans les écoles? Quels sont vos rêves, Lorraine? Non. De la minute que c'est un livre obligatoire, ils vont nous dire qu'est-ce qu'on peut mettre ou pas mettre là-dedans. On va laisser faire ça. Déjà, on est en discussion avec une maison d'édition féministe qu'on espère qu'ils vont nous aider à publier. C'est-à-dire, quand je parlais avant de démocratisation d'information, c'est de rendre cette... Même à un moment donné, on se disait, est-ce qu'on les rend en petits fascicules pour qu'ils soient accessibles? Je trouve que l'œuvre comme telle imprimée va être importante. Elle pourrait être dans les mains des étudiantes en sexologie pour ouvrir leur pensée autour de ça. Pour les étudiantes en sociologie, les étudiants, toute personne qui s'intéresse à la santé dans le sens large. Le souhait, c'est que ça soit accessible au plus grand nombre de personnes possible. Mais Nesrine, est-ce que peut-être toi, avais-tu quand même en tête, quand tu t'es dit « je vais travailler pour la création de cet ouvrage-là parce que j'aurais tellement aimé que tel groupe de personnes l'ait ou de l'avoir en tant que fille » ou est-ce qu'il y a quand même un groupe ou un type de personne que vous dites « ça va être un outil particulièrement précieux » ? Bien, moi, la motivation vient du fait que je sais que dans les groupes de femmes, comme tantôt, il y a plein de documents et d'informations qui sont là. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une brochure, on la distribue dans certains événements. Donc, c'est d'arriver à rassembler des informations qui existent, qui sont connues par des groupes de défense de droit et de mettre ça dans un livre grand public, un livre qui va être dans une librairie ordinaire partout à côté de chez toi. Et ça, c'est le défi d'arriver aussi à écrire quelque chose qui soit à la fois critique et féministe, mais d'une façon accessible. C'est aussi dans une optique sexo-positive, dans une optique anti-oppressive, c'est-à-dire, quand je disais avant, on ne juge pas. C'était ça le souci du livre original. Il y avait une diversité de réalités, puis c'était pas comme telle forme de sexe, telle expression sexuelle est plus intéressante, plus... Tu sais, il y a pas de prescription dans le projet. Et c'est donc aussi dans ce plaisir de découvrir sa sexualité épanouie, positive, sans oppression, que ce livre se fait. Au final, ça nous fait du bien aussi peut-être de parler ensemble de nos sexualités dans ces éléments plus difficiles, les éléments de violence, mais aussi effectivement, Lorraine, comme tu le mentionnes, dans ces éléments de joie et positifs, parce que c'est aussi ça la sexualité. Et donc, je vais terminer avec la question qui tue, c'est-à-dire quand est-ce qu'on pourra se procurer ce livre-ci? Bien, dans notre échéancier, en fait, les éditions qu'on a approchées depuis déjà plusieurs années, les éditions du Remue-Ménage, qui ont dit qu'elles étaient intéressées, mais pour l'instant, elles n'ont pas lu ce qu'on a fait. Mais là, l'idée, c'est que le 1er mars, on leur remet quelque chose de fini. Et là, ben, embarque un processus d'édition, d'illustration, de révision qui, normalement, elle me disait, ben, ça serait genre au mois de septembre 2018. C'est une projection. Bien, merci beaucoup, Lorraine et Nesrine, pour votre temps et vraiment longue vie. Espérons que vous aurez l'occasion de poursuivre le projet puis de sortir d'autres chapitres. Et d'ici là, on surveille la sortie du chapitre sur les relations intimes et la sexualité. Et donc, merci beaucoup à vous qui êtes membre de la collective pour un ouvrage de référence participatif sur la santé sexuelle. Merci. Merci. Voilà ce qui conclut cet épisode du balado d'Ève et Pandore. J'espère que ça vous a plu. C'était Florence Bélepage à l'animation. Merci à Audrey Gosselin-Pellerin de nous avoir partagé son entretien avec les membres de la collective L'Accord. Pour tous les détails sur ce que vous avez entendu aujourd'hui, ou encore si vous désirez commenter l'émission, communiquez avec nous à travers la page Facebook d'Ève et Pandore. Dans le prochain épisode, on vous fait découvrir l'artiste Florencie, à travers une approche féministe, anticoloniale et ethnoculturelle, explore son identité cantonaise-canadienne. Alors, on se retrouve le mois prochain pour un autre balado féministe ou encore sur les ondes CKUT 90,3 FM pour notre émission régulière. Bye bye tout le monde!